Dans les Rétangs, votre émission littéraire présentée par Mona. Alors bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Kevin Guerriot qui vient nous parler de son roman historique « Quand la Lorraine sera française » publié aux éditions du Quotidien. Bonjour Monsieur Guerriot. Bonjour. Alors sur la quatrième de couverture de votre roman, on peut lire que vous êtes professeur d'histoire-géographie, mais vous avez bien d'autres talents. Pouvez-vous nous parler un peu de vous ? Oui, avec plaisir. Effectivement, j'enseigne au collège de Quédange-sur-Canère, donc dans le nord du département de la Moselle, pas très loin des frontières luxembourgeoises et allemandes. Mais de manière plus générale, j'essaye également à mes heures perdues de faire la promotion de notre belle région à travers des écrits, que ce soit des romans ou des documentaires comme l'histoire de la Lorraine racontée aux jeunes, paru également aux éditions du Quotidien. Je suis également peintre, aquarelliste à mes heures perdues, et puis guide conférencier. J'adore faire découvrir le riche patrimoine lorrain. D'accord, alors vous faites découvrir quel patrimoine sur toute la Lorraine ou vous avez une région Non, sur toute la Lorraine. Après, il se trouve que j'ai grandi et que je vis en Lorraine septentrionale, donc je suis plus à l'aise à faire découvrir des villes comme Metz, Verdun ou le Pays Haut. Mais là, on m'a demandé récemment d'emmener un groupe sur la colline de Sion, donc c'est avec plaisir que je présenterai Barès, le sanctuaire marial, Vaudémont, voilà. Alors, vous pensez que les Lorrains s'intéressent encore à leur histoire ? Oui, enfin, s'intéressent toujours, on a envie de dire, puisque finalement, il y a toujours eu un engouement dans notre région pour le passé, puisqu'il se trouve qu'on est une région qui a un passé très compliqué. De nombreuses guerres, des annexions pour ce qui est d'une partie de la Lorraine. Et on est souvent très surpris de voir le nombre d'historiens que la Lorraine a fourni. Et de manière plus générale, si on compare avec d'autres régions françaises, il y a peut-être plus d'historiens en Lorraine. En tout cas, les Lorrains ont pris plus volontiers la plume pour rédiger des chroniques, pour rédiger des histoires, que pour la poésie ou la prose, finalement. D'accord. Alors, parlez-nous de quand la Lorraine sera française. Alors, c'est un roman qui a déjà 2 ans, je crois, puisque l'idée, ça avait été de le publier à l'occasion du 250e anniversaire, donc de la mort de Stanislas, celui qu'on présente souvent comme le dernier duc de Lorraine, même si le dernier duc de la lignée Lorraine, c'est François III, qui a toujours une descendance, donc il y a toujours une personne qui aujourd'hui porte le titre ducal de Lorraine, en l'occurrence Charles de Habsbourg-Lorraine. Mais en tout cas, ce dernier duc à avoir régné en Lorraine meurt le 23 février 1766, donc j'avais tenu à sortir le roman autour justement du 23 février 2016. C'est un roman qui évoque justement les dernières années, les derniers mois même de la vie de Stanislas, et en même temps on suit une famille de paysans à Beausemont, un petit village du Lunévillois, qui vit au rythme des saisons, qui se pose beaucoup d'interrogations sur le prochain changement de nationalité, et on a toute un récit un petit peu poétique justement sur la vie dans les campagnes lorraines au XVIIIe siècle, en même temps cette ambiance de fin de règne qui s'achève de manière assez romanesque puisque Stanislas meurt après une longue agonie suite à une chute qu'il a fait dans sa cheminée à Lunéville. Oui. Alors c'est un roman qui mélange donc la petite histoire à travers donc la vie des Colins, mais et aussi la grande histoire qui raconte donc cette fin du duché de Lorraine. Alors avant d'aborder la grande histoire, vous parlez-nous de la vie des Colins, de la vie des laboureurs en fait. C'était difficile de survivre à cette époque, je suppose. De vivre, oui, de survivre peut-être pas, on arrivait encore à vivre correctement. Si on compare le XVIIIe siècle par exemple au siècle précédent, les malheurs et misères de la guerre de 30 ans étaient bien plus effroyables. Alors oui, tous les chapitres impairs finalement évoquent donc cette famille Colin qui vit donc au rythme des travaux des champs. Alors je me suis rendu à Beausemont justement pour essayer de restituer au mieux l'ambiance d'un village lorrain avec ses usoirs qui à l'époque donc sont sur lesquels s'amoncelle le fumier, l'état de bois, avec les animaux hein, que l'on emmenait en veine pâture chaque matin, que l'on ramenait le soir, avec cette vie religieuse également hein, la religion a beaucoup d'importance dans les campagnes de l'ancien régime, et puis on a également bah, tout tout un... Oui, les travaux des champs, la moisson, les labours, les semailles. Et on suit cette famille avec son entourage au sens plus large. Je pense notamment au manouvrier, le personnage du père Clément, qui est un petit peu vindicatif, qui se pose beaucoup de questions, lui aussi, sur la fin du duché de Lorraine. Mais pas de la Lorraine, attention. Oui, oui, bah bien sûr. Alors, ils avaient aussi de bons moments quand les récoltes étaient bonnes. Alors, les veillées durant lesquelles les plus vieux racontaient les fioves et les facéties du sautré, il y avait aussi les trimazzos du mois de mai. Oui. Vous pouvez traduire pour ceux qui n'ont aucune idée du patois lorrain ? Alors oui, pour faire plus vrai, j'y ai mis quelques petits mots de patois, effectivement. Alors le trimazzo, c'était une fête qui avait lieu au tout début du mois de mai, où les jeunes filles allaient quêter de porte en porte pour l'autel de la Vierge, traditionnellement, en chantant des refrains en patois. Trimazzo, on pense que ça viendrait justement de l'entrée dans le mois de mai, en fait. Entrée en mai, c'est un vieux mot patois qui fait référence déjà à des fêtes qui remontent à l'époque celtique. Hein. Je dis ça parce que je viens de consacrer un ouvrage aux fêtes et traditions populaire en Lorraine, donc c'est encore assez frais dans mon esprit. Pour ce qui est des veillées, oui, bah là aussi, c'était une grande tradition. À partir de la Toussaint environ, bah, les personnes avaient l'habitude de se retrouver pour filer, pour coudre parfois, pour ce qui était des dames. Et puis, bah, les hommes, pendant ce temps-là, daillaient, comme on disait, donc on racontait tout un tas d'histoires, de fioves, par exemple, donc des histoires plus ou moins drôles que j'ai tenu à insérer presque telles quelles. Hein, d'après la tradition écrite, on a quelques fioves qui sont passées de la tradition orale à la tradition écrite. Y en a une que je trouve assez savoureuse, qui demande par exemple quel est le dernier trou de la charrue. Et il s'agit du trou du laboureur, finalement. Mais en même temps, je veux dire, ils étaient très solidaires. Il y a une solidarité de fait déjà dans la manière dont le travail s'organise dans les campagnes à cette époque, puisqu'on avait de manière générale les laboureurs qui eux possédaient le train d'attelage, donc la charrue et les bêtes pour tirer la charrue, et puis on avait les manouvriers qui eux n'avaient pas ces outils-là, pas cette force de travail-là, et qui du coup étaient obligés de se vendre, hein, de vendre leurs bras, leur force de travail. Et forcément, le manouvrier a besoin du laboureur pour être employé, le laboureur a besoin de bras, notamment pendant la moisson, qui est vraiment la grosse affaire de l'été, pendant la vendange également, puisqu'il ne faut pas oublier que la Lorraine était couverte de vignes jusqu'à la crise du phylloxéra au 19e siècle. D'accord. Alors nous allons faire une pause musicale. Vous avez choisi de nous faire entendre Salomé du groupe Louise Attaque. Salomé dans sa Alors nous sommes toujours avec Monsieur Kevin Guriot. Alors l'histoire de la fin de Stanislas et de l'indépendance du duché est racontée dans votre livre par les lettres qu'envoie Jean-Baptiste Luton Durival à son frère. Vous pouvez nous raconter cette fin de règne ? Alors la fin de règne a déjà été très bien racontée par d'autres, je pense notamment à Gaston Maugras dans son ouvrage « Les dernières années de la cour de Lunéville ». Mais effectivement, restituer cette ambiance de fin de règne était un petit peu une gageure, parce qu'il fallait coller à la réalité tout en essayant de raconter une histoire. Et l'histoire, j'ai tenu à la raconter à travers les échanges épistolaires de deux frères du rival. En fait, il y en avait trois, il y avait donc Jean-Baptiste, enfin dans l'ordre, c'était Nicolas, Jean-Baptiste et Claude. Mmh. Claude vivait plus en Lorraine du Nord à l'époque, s'intéressait beaucoup à la vigne. Jean-Baptiste, lui, était très au courant du fait militaire. Il a d'ailleurs contribué à la rédaction de plusieurs articles dans l'encyclopédie d'Hydrouet d'Alembert à l'époque, donc sur l'art militaire. Quant à Nicolas Durival, lui, a beaucoup contribué justement au duché de Lorraine. Il était très attaché à la Lorraine, bien que sa famille était originaire de Normandie. Et on lui doit notamment une description de la Lorraine et du Barrois assez intéressante. Et donc, les lettres, pour rester justement dans l'ambiance du XVIIIe siècle, l'ambiance le siècle de la correspondance, vont permettre justement de découvrir un petit peu. Ben, on a donc ce Jean-Baptiste Durival qui écrit à son frère, qui était lieutenant de police à Nancy, et qui lui tient au courant finalement de ce qui se passe. Voilà, sa majesté polonaise, comme on disait à l'époque, est partie à la pêche. Alors, en fin de règne, Stanislas ne voyait plus grand chose, et on raconte même que certains accrochaient les poissons au bout de la ligne pour flatter un petit peu l'orgueil de sa majesté. Donc on a un petit peu cette ambiance-là, on a différents personnages qui passent au château, je pense notamment à la marquise de Boufflers, qui joue un très grand rôle dans la vie intime de Stanislas, surtout depuis qu'il avait perdu son épouse Catherine Opalinska. On a également des personnages, des acteurs qui viennent jouer à Lunéville, on a des écrivains, et cette ambiance de fin de règne. Alors chacun sait que qu'il est quand même très âgé à l'époque, donc Stanislas, et chacun sait également qu'en vertu des traités signés une trentaine d'années plus tôt, et bien sa mort signera le rattachement des duchés de Bar et de Lorraine à la France. Donc on se pose forcément beaucoup de questions, de savoir qu'est-ce que Versailles fera de la Lorraine, des palais des ducs de Lorraine, du mobilier ducal, une fois la mort de Stanislas. Oui. C'est vraiment très très triste en fait cette fin, surtout quand on compare au flamboiement de la période du règne de Stanislas, avec les grandes constructions, etc. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu tristounet, quoi. Il y a une ambiance qui est très triste, effectivement. Une ambiance vraiment terne, finalement. Alors, il y a eu la période des grandes constructions, il y a eu aussi une période de destruction. Stanislas n'a pas fait que du bien au patrimoine lorrain. Je pense notamment à Notre-Dame de Bon Secours, hein, qu'il a fait reconstruire pour plus tard en faire son mausolée, alors que c'est l'ancienne chapelle construite au lendemain de la bataille de Nancy. Donc il y avait là encore un véritable symbole pour la nation lorraine. Et puis je pense également que le règne de Stanislas pour les Lorrains était terne par rapport au règne précédent, notamment ceux de Léopold ou encore de Charles III. Alors dans une de ses lettres, Jean-Baptiste Durival doit répondre à la question de son frère qui lui demande ce que c'est qu'être Lorrain. Pour vous, c'est quoi être Lorrain ? Être Lorrain, alors c'est une très bonne question, effectivement, parce que, alors j'ai un petit peu extrapolé, je doute que quand on examine la correspondance réelle de Nicolas Durival, on trouve pas ce genre de questions, mais je pouvais pas ne pas aborder la question dans un roman qui s'intitule « Quand la Lorraine sera française ». Être Lorrain, pour moi, c'est être l'héritier d'une double culture, finalement, puisqu'on est dans un paradoxe constant. La Lorraine est à la fois une terre frontière et en même temps une terre carrefour, ce qui est déjà assez curieux. C'est une terre qui a connu presque toutes les guerres, ou qui du moins a énormément souffert des guerres, et en même temps c'est le berceau de l'unité européenne, avec Robert Schuman notamment. Autre paradoxe, justement, quand on demande à lorrain lambda, entre guillemets, quel est le duc de Lorraine qui lui vient le plus spontanément à l'esprit. La plupart des Lorrains répondent Stanislas, alors que c'est peut-être le moins lorrain de tous nos ducs. Bien sûr. Et quand on parle d'un Charles IV, du duc Antoine, par exemple, ils sont totalement oubliés ou méconnus. Donc effectivement, être lorrain, c'est hériter d'une... Alors, je reprends l'expression à Albert Vélan, qui l'avait dit avec des mots très justes, c'est hériter à la fois d'une identité complexe et de complexe identitaire, finalement. Et je me suis toujours questionné de savoir justement d'où viennent nos complexes identitaires. Alors, sans vouloir être nostalgique, il faut admettre que pendant 700 ans, le duché de Lorraine, sagement administré par ses ducs, avait une indépendance prospère, du moins quand on respectait ses frontières. La royauté française a fait beaucoup de mal à la Lorraine ? La conjoncture européenne à l'époque moderne a fait beaucoup de mal à la Lorraine, à l'indépendance de la Lorraine, forcément. C'était un duché qui... C'était même deux duchés. Hein, puis, depuis le XVe siècle, le duché de Bar et le duché de Lorraine étaient fusionnés, mais qui jouissaient d'une prospérité assez incroyable. Il faut quand même savoir qu'au XVIe siècle, la moitié des revenus des ducs de Lorraine proviennent des salines, donc une denrée éminemment stratégique à l'époque. La Lorraine... avait également d'autres richesses dans son sous-sol, je pense notamment au fer, au charbon qui sont exploités dès l'époque moderne et dès l'Antiquité pour ce qui est du fer. La Lorraine était également réputée pour ses terres fertiles, pour ses élevages, notamment les chevaux qui étaient réputés robustes. Le bois des Vosges était acheminé via la Moselle jusque dans les provinces unies, comme on disait autrefois. Donc forcément, c'était un petit pays prospère, mais qui, peut-être parce qu'il est prospère, va attirer un petit peu les jalousies de ses voisins. On en sait quelque chose, deux fois annexé pour ce qui est de l'actuel département de la Moselle. Et puis au XVIIe siècle, la Lorraine va faire les frais des foudres de la cour de Louis XIII puis Louis XIV, les reîtres suédois qui vont brûler Saint-Nicolas-de-Port par exemple, etc. Donc c'est une région qui effectivement a beaucoup souffert, mais qui s'est toujours relevée. Et je crois que là c'est une grande leçon de philosophie qu'il faut également garder à l'esprit. Il n'est aucun malheur duquel les Lorrains n'ont su se relever. C'est vrai. Alors, que pensez-vous de la dilution de la Lorraine dans la grande région ? Et n'est-ce pas, dans un certain sens, l'histoire qui se répète ? Si, il y a des mécanismes qui sont parfois un petit peu curieux. La Lorraine, en tant que région administrative, est désormais donc intégrée à la région dite Grand Est, même si le nom pourrait là encore prêter à débat. Et bizarrement, ça se fait 250 ans, tout juste après donc la réunion de la Lorraine à la France. Hein, donc en 2016, ça s'est fait. Donc c'est une fusion qui d'ailleurs n'a pas été, on n'a pas demandé l'avis au peuple. Et malheureusement, on nous présentait cela comme une solution pour faire des économies. On s'aperçoit qu'au final, ça profite à certains, mais pas forcément à d'autres. Après, je reste, comme je le disais à l'instant, optimiste. C'est peut-être mon caractère. Je ne sais pas si je pêche par excès d'optimisme. Mais quand on regarde justement chez nos cousins germains, l'exemple de la Bavière, j'ai eu le malheur de dire une fois à quelqu'un qui venait de Nuremberg qu'il était bavarois. Il m'a dit non, il est franconien. Donc on a pareil, un grand Land de Bavière avec plusieurs identités au sein du même Land. Et je pense que le Grand Est, c'est pareil. Il faudra vraiment beaucoup de temps et beaucoup de volonté pour effacer les identités locales, et on peut pas dire un Alsacien qu'il est lorrain et vice versa. Oui, bien sûr. Alors, je vous sens un amour viscéral pour la Lorraine. C'est la raison pour laquelle vous avez écrit Histoire de la Lorraine racontée aux jeunes. Vous pensez que les jeunes générations ne connaissent pas bien leur histoire? Ah ben, c'est une histoire qui n'est pas du tout enseignée à l'école, alors que l'expérience, notamment au sein de l'éducation nationale que j'ai menée avec un projet qui s'appelle la classe patrimoine, m'a montré que l'histoire locale était peut-être une des meilleures portes d'entrée pour faire adhérer le jeune public à la grande histoire. Quand les jeunes comprennent la valeur de leur histoire, l'histoire même de leur village, de leur canton, la richesse du patrimoine qu'ils traversent tous les jours, mais ils comprennent après l'intérêt qu'il y a à porter finalement à la grande histoire. La grande histoire, c'est pour moi que la somme de toutes ces petites histoires locales, de toutes ces vies de nos ancêtres, les vies même aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut, je pense, garder un petit peu à l'esprit. C'est dans cet état d'esprit que j'ai rédigé l'histoire de la Lorraine racontée aux jeunes. Alors là aussi, c'était un petit peu une gageure, puisqu'il fallait faire tenir 3000 ans d'histoire en 120 pages, je crois. Donc il faut aller à l'essentiel, des petits paragraphes, un petit peu comme je le fais dans mes leçons, dans mes cours, beaucoup d'illustrations, des cartes que j'avais fait à la main pour être... parce que voilà, une carte, ça parle énormément. Et puis l'ouvrage avait rencontré un certain succès. Souvent, c'était des livres que les parents, les grands-parents achetaient pour leurs enfants ou petits-enfants. Et souvent, ils le lisaient et ils disaient « Ah, mais ça fait une bonne synthèse, ça évite d'avoir un gros pavé sur l'histoire de la Lorraine à lire. » Et parfois même, ils en reprenaient un pour eux, pour l'avoir dans la bibliothèque, avoir juste les dates, quelques repères historiques. Alors, vous venez de sortir un nouveau livre, L'année Lorraine, une petite histoire des fêtes, coutumes et traditions en Lorraine, aux éditions des Parages. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors là, c'est un ouvrage beaucoup plus épais, puisqu'il fait 320 pages, divisé en 12 chapitres pour chacun des 12 mois de l'année. Et j'ai voulu mettre à l'honneur un patrimoine qui est... méconnus ou auxquels on ne songe pas toujours. On pense toujours au patrimoine, nos croix de chemin, nos chapelles, les vieux châteaux, les citadelles. Mais il y a également tout un patrimoine immatériel qui, du coup, est très fragile. Je pense à nos fêtes, nos traditions, et un patrimoine qui lui-même va ouvrir sur d'autres patrimoines. Pourquoi, par exemple, on mange de l'agneau à Pâques ? Pourquoi on fait des spritz et des bredelets, donc des petits gâteaux de Noël, pendant la période de l'Avent, etc. Et en même temps, on a tout un patrimoine oral, les crécelles pendant la Semaine Sainte, notamment en Moselle, puisque le Vendredi Saint est férié là-bas et pas dans le reste de la Lorraine. Et donc, on a un patrimoine que j'essaie d'expliquer et montrer notamment l'histoire de ce patrimoine, l'origine, les origines même, puisqu'on a à la fois des racines celtiques et des racines germaniques qui prouvent à nouveau que la Lorraine est bel et bien une terre de passage et une région d'entre-deux. Mmh. Alors pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous pouvez nous expliquer l'origine du drapeau lorrain ? Alors le drapeau lorrain, qui est également le blason de la Lorraine, c'est une légende remonterait à l'époque de la première croisade, époque à laquelle le duc de Basse-Lorraine, et non pas de Haute-Lorraine, de Notre-Lorraine finalement, aurait abattu d'une seule flèche trois oiseaux blancs qu'on surnomme des alérions, d'ailleurs le mot alérion est à une lettre près l'anagramme de Lorraine. Et on a donc cette légende donc, d'un Godefroy de Bouillon qui tire trois alérions d'une seule flèche. Et ça va donner naissance à notre blason régional, puisque le fond jaune rappelle la Terre Sainte, la bande rouge, la flèche, et les trois alérions, les trois petits oiseaux que le duc de Lorraine aurait abattu, et ce miracle l'aurait désigné comme premier roi de Jérusalem. La légende raconte qu'il aurait refusé de devenir le premier roi de Jérusalem, ne voulant pas porter une couronne d'or là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Et par la suite, les ducs de Lorraine se réclameront de cette légende. Dans la réalité, on sait que le blason lorrain apparaît à la toute fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle, et c'est vraisemblablement un signe d'allégeance vis-à-vis de l'empereur germanique que le fait de reprendre les trois petits aigles finalement. Charles-Élie Couture va inverser le sens de la bande pour lui donner plus de dynamisme, et cette plaque d'immatriculation, les alérions volent de gauche à droite. Alors quels sont vos projets proches ou lointains ? Beaucoup de projets. Là, je suis en train de terminer la rédaction d'un roman qui prendra pour thème un rocher qui se trouve au fin fond des forêts de Moselle et qui porte une sculpture qui montre une déesse celte de la fertilité et de l'abondance. Et cette déesse, finalement, racontera un petit peu toute l'histoire de notre région, depuis, une fois de plus, les Celtes jusqu'aujourd'hui, en passant par la guerre de 30 ans, etc. Et puis sinon, toujours ce vaste projet de traverser à pied toutes les régions françaises avec mes plumes et mes pinceaux pour faire des carnets de voyage qui peut-être un jour seront publiés aussi. Mmh. Et alors, moi j'aime beaucoup la croix de Lorraine, mais je ne suis pas certaine que tout le monde sache d'où elle vient, cette croix de Lorraine. C'est un autre symbole. En fait, on a trois grands symboles en Lorraine. Effectivement, les alérions, comme on le disait, la croix de Lorraine et le chardon, qui sont trois vrais symboles. J'ai juste me permettre de tacler rapidement les Alsaciens. Quand on demande quels sont les symboles alsaciens, généralement on répond le bretzel, la cigogne et le grand nœud dans les cheveux. Donc c'est un petit peu curieux, mais voilà, nous on a des symboles qui nous datent du Moyen-Âge pour la plupart. La croix Rois de Lorraine, elle nous a été apportée par la dynastie d'Anjou, en fait René Ier d'Anjou, qui avait l'habitude de vénérer une relique dite de la vraie croix qui était enfermée dans un reliquaire à double traverse, une croix à double traverse, et c'est cette croix à double traverse qui, pendant la bataille de Nancy, servira de signe de ralliement en Lorrain, par opposition à la croix de Saint-André, la croix en X finalement que les Bourguignons arboraient sur leur tunique. Et alors, j'ai perdu le sens de ma question. Oui, je voulais vous demander, comme il nous reste 2 minutes, oui. Quel est le monument lorrain que vous préférez, le plus cher à votre cœur ? C'est une question. Alors, c'est la première fois qu'on me pose cette question, et j'avoue que je suis un petit peu en difficulté. De manière générale, j'aurais quand même tendance à dire, pour sa poésie, pour la beauté de ses paysages, la colline de Sion, mais de la pointe orientale du croissant à la pointe occidentale, puisque la colline a une forme de croissant, de croissant de lune, avec donc le sanctuaire de Sion d'un côté, Vaudémont de l'autre côté, et entre les deux, donc le monument à Barès qui est un auteur que j'admire beaucoup, même s'il a parfois pu être décrié, et puis je vous lis la poésie, puisqu'on est sur une colline en forme de croissant, et au sommet de cette colline, on a l'habitude d'aller chercher des petites étoiles avec encore toute la légende. Donc on est la tête dans les nuages et on ne peut que rêver là-bas. Oui. Alors si on ne devait garder qu'une tradition lorraine, ce serait laquelle à votre avis ? Pour moi, il faut les garder toutes. Il faut se battre pour garder nos traditions. C'est une part non négligeable de notre identité. Il y a tellement de traditions qui sont déjà passées à la trappe, celle du trimazo dont on parlait tout à l'heure. Après, il y a, je sais pas, peut-être toutes ces traditions liées au temps de l'Avent, et notamment la Saint-Nicolas, la Sainte-Barbe, la Saint-Nicolas. Le mois de décembre est très très dense en Lorraine pour ce qui est des traditions. Oui. Mais bon, moi, je pense aussi que c'est un peu le patois. Il nous reste des mots dans le langage courant, en fait. Oui. Moi, qui étaient utilisés par mes grands-parents, qui ont été utilisés par mes parents, mais nettement moins par moi. Je les connais, bien sûr, mais je ne les ai pas appris à mes enfants, effectivement. Ben, c'est un petit peu l'écume de la langue, finalement. Il reste des mots, il reste quelques expressions. Et pourquoi ces mots restent-ils ? Parce qu'on n'a pas d'équivalent en français. Être narreux, aller expliquer être narreux à quelqu'un qui n'est pas de Lorraine, faut faire une phrase entière, c'est ne pas aimer boire dans le verre de quelqu'un d'autre, par exemple. Clencher, le verbe clencher, voilà, faire le geste d'appuyer sur la poignée de porte. Là aussi, voilà, il nous reste des mots parce qu'on n'a pas d'équivalent, parce qu'ils sont bien pratiques finalement dans le langage courant. Oui. Par chance, le plat lui reste clairement revendiqué et parlé encore en Moselle-Est. Oui. Moi, je me souviens qu'on parlait de crasse-pouille, effectivement. Ah oui, crasse-pouille, c'est quelqu'un qui n'est pas très regardant sur l'hygiène, oui. Alors, je remercie M. Kevin Guriot qui est venu nous parler de quand la Lorraine sera française. Au revoir à tous et à bientôt.